Eh bien, la femme sort, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Oui. Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non. Est-ce qu'elle balance? En aucune façon. Quoi donc? C'est que, pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre? Un autre. Qui se nomme? Monsieur Trissotin. Quoi? Ce monsieur Trissotin? Oui, qui parle toujours de vers et de latin. Vous l'avez accepté? Moi, point. Dieu ne plaise. Qu'avez-vous répondu? Rien. Et je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas. La raison est fort belle, et c'est faire un grand pas. Avez-vous su, du moins, lui proposer Clitandre? Non, car comme j'ai vu qu'on parlait d'autres gendres, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise. Et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix et la douceur. Et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Et sa morale, faite à mépriser le bien, sur l'aigreur de sa bile, opère comme rien, pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête. On en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre, et c'est un vrai dragon. Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle et mon cœur. Et même... Allez, c'est se moquer. Votre femme, entre nous, est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ses hauteurs, vous vous abandonnez et vous faites mener en bête par le nez. Quoi? Vous ne pouvez pas? Voyant comment on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme, à faire condescendre une femme à vos voeux, à prendre assez de cœur pour dire un « je le veux ». Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent la famille et de tout votre bien revêtir un nigaud pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut, un pédant qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom de « bel esprit » et de « grand philosophe ». D'homme qu'en vers galant jamais on égala, et qui n'est, comme on sait, rien moins que tout cela. Allez, encore un coup, c'est une moquerie, et votre lâcheté mérite qu'on en rie. Oui, vous avez raison, et je vois que j'ai tort. Allons, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Il est vrai. Trop joui de ma facilité. Sans doute. Et je lui veux faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître pour lui prendre un mari qui soit selon mes voeux. Vous voilà raisonnable, et comme je vous veux. Vous êtes pour Clitandre, et savez sa demeure. Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours, tout ne se passe. C'est souffrir trop longtemps, et je m'en vais être homme à la barbe des gens.